Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fa'alam أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. Après avoir cité معنى لا إله إلا الله, Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى أفاد avec des تفسيرات باطلة de أهل الأهواء, أي des explications erronées de لا إله إلا الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. قال الشيخ الفوزان أي يعتقدونها في الأولياء ويقولون إن هذا ولي فيه السر وفيه ولاية. هذه الألوهية أي قولنا لا إله, الإله الألوهية أي لفت دعدوغي, فلا يستحق هذه الألوهية إلا الله, صف الله دونك سي الله كي ميغيت الألوهية. هؤلاء يعتقدونها في الأولياء, إذن ست عقيدة في الأولياء, الأولياء سي لي سان. يقولون إن هذا الولي فيه السر وفيه ولاية. هذا الولي فيه السر وولاية. فالحقيقة إلا دور من دون الله. إلا دور. Et eux ils disent فيه السر. السر c'est des secrets. ولاية c'est un ولي. الولي c'est celui qui est aimé par Allah. Il est proche d'Allah سبحانه وتعالى. قال فيتقربون إليه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة لأنه فيه السر وفيه ولاية. فإلا دور من دون الله. Exactement comme Kuffar Quraysh, ils ont adoré des statues. Ils ont adoré Al-Lat ou Al-Uzza. Enfin, en voir le Nas, ils adorent des morts. Même si le nom, il change. Ils appellent cela Sir, ils disent c'est Mimbab Shafa'a, ils disent c'est un Wali, ils disent c'est pour... Il intercède dans notre faveur. Faqat, s'il adore Mindoun Illah, c'est du shirk. Qala, rahimahullah, wa al-ilah, ma'naah, al-Wali, alladhi fihi al-Sir, wa huwa alladhi yusammounah, al-Faqir wa al-Shaykh. قال الشيخ الفوزان الصوفية طبعا tout ce كلام c'est des ردود des réfutations contre الصوفية وهكذا الروافض الزنادقة. فقال الشيخ الفوزان الصوفية يسمون العابد الشيخ. الصوفية ils ont cette habitude, ça dépend des pays, ils disent فلان un شيخ, لماذا؟ لأن pour eux c'est un عابد, c'est un ولي, c'est un saint, il fait beaucoup d'efforts pour eux. قال يعني الشيخ الطريق الذي يأخذون عنه دينهم والذي يأخذ عن الشيخ الطريق يسمونه المريد. المريد c'est le suiveur. الشيخ c'est le guide. قال ويكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل ليس له أن يعترض بشيء. Ça c'est من سمات أهل الأهواء ومن أوصاف أهل البدع. أن avec leur مشايخ avec leur guide كما قال الشيخ حفظه الله ils sont كالميت بين يدي الغاسل. Ils sont comme un mort qui est entre les mains de ceux qui le lavent. Ceux qui lavent un mort, le mort il est inanimé, il est mort, il ne peut pas bouger. Enfin, ils peuvent le faire bouger à droite, à gauche. Ou là, ils sont comme ça avec leur cheikh. Abadan, ils le contredisent. Abadan, ils sont contre. عياذا بالله. أما أهل الحق فيأخذون من مشايخهم الحق. Et ceux qui contredisent الحق, أبدا يسويف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de suivre النبي عليه الصلاة والسلام لا غير. قال رحمه الله وتسمية العام السيد وأشبه هذا. Donc on a plusieurs noms. Ils disent الفقير, ils disent الشيخ, ils disent السيد. Enfin, tous ces noms c'est par rapport au guide de هؤلاء. قال رحمه الله أي on revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan. قال حفظه الله وهم يسمون شيخهم السيد ويسمونه الشيخ فلا بد أن تبايعه وتسلم له أمرك فلا تعترض ولا تخالف في شيء وإلا فإنك لا تكون مريدا معه. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ces sectes. C'est un groupe qui t'ordonne de suivre le sheikh, le guide dans tout. Tu n'as pas le droit de contredire. اعلم que c'est une secte. أهل الحق t'ordonneront, ils te conseilleront, ils te montreront que la voie du salut, la voie de la vérité, c'est suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le shaykh, tel frère, il a agréé tel prêcheur, il n'a pas forcément la vérité. Qala rahimahullah, ay shaykh al-islam. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. Ils ont cette choubha, عياذا بالله. Pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi certains khawas, awliya, ce qu'ils appellent eux, sidi fulan ila akhri. Et haoula, ils ont une manzila que les autres, ils n'ont pas. Ils ont atteint un rang élevé que les autres, ils n'ont pas. Et pour eux, c'est permis de demander à cet individu, à ce sayyid, de lui demander des choses. L'imada li annahu, il est aimé auprès d'Allah. Et lui va demander ta demande auprès d'Allah. Et ils l'ont pris comme intermédiaire. Hada huwa shirku al-awwalin wal-akhirin. Ça, c'est le shirk des premières générations jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tous la même shubha que Cheikhoul Islam, rahimahullah, il a réfuté dans son livre Kashf al-Shubuhat, walillahi alhamd, on a étudié ensemble il y a quelque temps. Qala rahimahullah, yaqulun inna Allah ja'ala min al-khalq khawas yajuz al-iltija ilayhim. Al-iltija, c'est revenir à eux. Qala wa du'a'uhum wa al-istighathatu bihim ala annahum shufa'a 'indahu wa yuqarribuna ilayh. Ça, c'est min a'zam shubuhat al-qawm. Enzuru, ils ont autorisé le shirk sous prétexte que tel individu c'est un wali. Et vu que anta, tu es un pécheur, ils ont limité des choses alors que fadlullah il est wasi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous repentir, il nous a ordonné de lui demander. Hum, ils disent là. Ils disent, vu que toi tu as des péchés, tu demandes au shirk aussi, dit foulain, en sacrifiant une bête. Thumma, tu lui demandes et lui il va demander ta demande auprès d'Allah. فالحقيقة ils ont comparé Allah سبحانه وتعالى à la créature. لماذا؟ كما بين أهل العلم الإمام عبد الرحمن بن حسن وقبله الإمام ابن القيم ils ont démontré هذا أن في الدنيا نعم أحيانا tu as une demande à faire à un responsable, à un roi, un président et tu n'as pas accès directement. Tu ne peux pas, il ne t'écoute pas, il ne te connaît pas, tu n'arrives pas à le contacter. ففي هذا الحال pour pouvoir passer ta demande, tu es obligé d'avoir un intermédiaire. Imma un de ses enfants, imma un de ses gardes, imma un de ses frères, imma un contact. Thumma, peut-être que ta demande, elle va lui parvenir. Haoula, ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à cette créature. Wa illa fallah subhanahu wa ta'ala, c'est Samia, c'est le Basir, il n'a besoin de personne. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah, il nous a ordonné de lui demander et il nous répondra. L'essentiel, c'est que tu demandes bi-ikhlas. L'essentiel fait les causes pour demander au moment les plus recommandés. Comme a dit dans le hadith, an Allah subhanahu wa ta'ala yanzil fi al-thuluth al-akhir min kulli layla et yaqul man yad'uni fa astajib lah. Fa est-ce que cette demande elle est réservée à ce qu'ils appellent eux al-awliya, à sidi fulan? Faites attention. On doit tous faire attention. On doit mettre en garde nos proches. Haoula, en fait, ils ont restreint la miséricorde d'Allah. Haoula, khubatha yamkurun. Ils veulent écarter les gens de hadi al-ibad al-azima pour qu'on adore leur shirk et leur sayyid. Wa illa wa nahnu wallahi alhamd. On n'a pas besoin de sacrifier au shirk. Bel, c'est du shirk. On sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de demander au shirk. Le shirk, il est mort. Le sayyid, il est mort. Vivant, et il avait des besoins comme tout le monde. Est mort, Allahu a'lam sa situation. Falimada lui demander. Qala rahimahullah, wa du'a'uhum wal istighathatu na'am min al-khalq khawas yajuz al-iltija'u ilayhim wa du'a'uhum wal istighathatu bihim 'ala annahum shufa'a 'indahu wa yuqarribuna ilayhi hadha alladhi hum 'alayhi la yaqulun innahum shuraka'u lillah. Ça c'est important. Et c'est ça inhiraf jami' al-mushrikin. Bien comprendre, non, ils se sont égarés hadha al-bab الشفاعة فلهذا قال بل يقولون شفعاء عنده ويقربون إليه لأن الله اختارهم لصالحهم وتقواهم فصاروا والصائد بين العباد وبين الله تعالى وبين الله تعالى الله عما يقولون ولذلك يتقربون إليهم بالعبادات أحياء وأمواتا. هؤلاء ils ne disent pas que leur سيد c'est le créateur. مع هذا plutôt أن certains صوفيين de notre époque زنادقة وكذلك بعض الروافد ils ont une عقيدة أن leur أولياء ou certaines créatures c'est eux qui créent. أعوذ بالله. Ils ont du shirk même في الربوبية. لكن à la base أن هؤلاء ils se sont égarés أنهم ils ont dit que ces divinités qu'ils adorent c'est pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِهَذَا قَالُوا وَيَقُولُونَ إِنَّ الْمُتَقَرِّبْ إِلَيْهِمْ مِتْلَ الْمُتَقَرِّبْ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَتَقَرَّبْ لِلشَّيْخِ يَتَقَرَّبْ لِلَّهِ. Eux, ils te disent que ce que tu fais, cette demande que tu fais au shir, في الحقيقة, c'est comme si tu la faisais à Allah. Pourquoi? Parce que Allah, il aime cet allié, il aime ce wali. أَنَا عُوذُ بِاللَّهِ. من هذه الشبه. قال الشيخ ويعبدون, قال الشيخ en rapportant la parole d'Allah عز وجل, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تأمل أن الله سبحانه وتعالى il a cité leur شبهة. Leur ambiguïté c'est quoi? Ils disent que telle divinité, telle idole, كذلك بعضهم يقولون tel wali, c'est un intermédiaire. Allah il a cité cette شبهة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils disent que ces idoles, c'est nos intermédiaires auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cette shubha comment au début du verset? قال ويعبدون من دون الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé adoration. C'est une adoration pour autre qu'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'adorer autre qu'Allah. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a clairement appelé l'adoration pour autre que lui, shirk. قال في الحديث القدسي عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك. وقال في القرآن الكريم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Celui qui associe à الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر أي مر على هذا الله lui interdit le paradis. أي l'ira en enfer éternellement. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك الله il ne pardonne pas الشرك. من الشرك, si on revient à ce verset, le fait de croire que donner une adoration à ce wali, ça fait partie de al-shafa'a. C'est qu'un intermédiaire. Ça, c'est min al-shirk. On répète le verset wa ya'buduna min dunillah. Ils adorent autre qu'Allah, ils font du shirk. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Kadhalik, une autre précision dans ce verset, anna al-ibada elle est khassa bi alladhi yamlik adh-dhur wa an-naf'. Tu n'as pas le droit d'adorer une chose qui ne possède pas adh-dhur wa an-naf'. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de te sauver, de te guider, de te donner, de te reprendre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé, qui a tout décrété. Ça nous montre que l'adoration n'est que pour lui. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانِ لَعِبَ الشَّيْطَانِ بِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِ. Fais attention de ne pas être une proie de shaitan. Shaitan, son but c'est de nous faire sortir de l'islam. Shaitan, son but c'est de propager ses ambiguïtés حَتَّى délaisse التوحيد دين جميع الأنبياء والرسل. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام فالذي يزعم أهل الشرك فالذين يزعم كانوا فالذي هنا فالذين قال فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وصائتهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله. قال شيخ الفوزان المشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إلى قوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم. تأملوا هنا, c'est très très important pour comprendre la إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يدزع كفار قريش dans la rue, fil aswaq, qu'il allait dans leur marché et il leur disait qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah tuflihu, vous réussirez. Et ici bas et dans l'au-delà. Kadhalik, on connaît tous le hadith, l'histoire avec son oncle Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait ya'n qul la ilaha illallah. Da'wa ila tawhid. Qu'est-ce qu'ils ont répondu haoula? Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité leur réponse fi sourate Sad. Qala عز وجل en rapportant la parole de هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدة. فكيف ils ont compris de لا إله إلا الله؟ Ils ont compris de لا إله إلا الله أن الآلهة c'était qu'un إله واحد. Ils ont compris هذا. Ça veut dire quoi إله؟ Ça veut dire celui qui mérite d'être adoré. Donc ils ont compris أن النبي صلى الله عليه وسلم il leur a demandé de dire لا إله إلا الله et de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah. Que ce soit Lat, l'Uzza, Omanat ou un prophète, un ange, un djinn, un arbre. Et l'adoration d'autre qu'Allah l'a délaissé. Ils ont compris هذا. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Ils ont compris, donc si on dit la ilaha illallah, on doit délaisser le shirk. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Kuffar Quraysh? Ils ont refusé. Et ils ont continué d'adorer la ilaha illallah. هذا c'est مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم, il les a combattus. جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. On revient à ceux de notre époque, min ahli shirki wal khurafat. وبعضهم يقولون لا إله إلا الله، لكن ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et في الحقيقة ils se contredisent. كفار قريش ne se sont pas contredits. Ils ont compris. Pourquoi ils ont compris? Parce que c'était des arabophones. Ils ont parfaitement compris la ilaha illallah. Ils ont su que si tu dis la ilaha illallah, tu dois adorer qu'Allah. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit aja'ala al-ilaha ilahan wahida. Et on doit adorer plus qu'Allah. On doit adorer que Allah. On ne doit plus adorer telle et telle statue. Ils ont dit là. Nous, on ne peut pas. Ils sont restés égarés. Tu trouves l'un de les gens qui disent la ilaha illallah, wa yushrikuna billah. Et ils adorent autre qu'Allah. فلهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله dans كشف الشبهات il a montré أن certains la situation de certains elle est très très grave. لماذا؟ لأن كفار قريش ils connaissaient mieux le sens de la ilaha illallah que ça c'est grave. Un musulman qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah alors que كفار قريش ils connaissaient la langue arabe. Le Coran, il a été révélé avec la langue arabe, avec leur langue. Ils l'ont parfaitement compris. Et ils se sont égarés, bi'inad ou ilm. Ils n'ont pas voulu se soumettre. Et tu trouves certains, ils sont ignorants. Falihad, on doit leur montrer, nahnu hada. On peut citer un deuxième verset que Cheikh Fawzan, il n'a pas cité. On l'ajoute. Min surat as-safat. Qala Allahu azza wa jal. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Et quand on leur disait « Dites la ilaha illallah », ils s'enflaient d'orgueil. Kuffar Quraysh, quand ils entendaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dire « Dites la ilaha illallah », directement l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils répondaient ?« Wa yaqulun, a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun » Est-ce qu'on va délaisser nos idoles, l'adoration de nos idoles, de nos statues pour « Hada sha'ir, ce poète fou » Ça nous montre quoi, hada ? Ça nous montre qu'ils ont compris la ilaha illallah. Donc, Al-Khulasa, c'est quoi? Celui qui dit la ilaha illallah, il doit délaisser toute adoration excepté celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ammal hadhihi al-ayat. Et fais un da'wa à tes proches avec hadhihi al-ayat. Amma ahyanan ba'da al-ikhwan, ils font une erreur. Ils font da'wa à haoula, ils disent matalan Muhammad, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit. Par exemple, c'est des soufis, ils vont dire là, haoula, c'est des wahhabis. Ne l'écoute pas. Là, fais-leur ad-da'wa avec le Coran. Limadha li anna al-muslim, il aime le Coran. Si ton proche, waqa'a fi shay' min ash-shirk, si c'est un muslim, il aime le Coran. Explique-lui la ilaha illallah avec le Coran. Aide-toi des paroles de Cheikh l'Islam sans le citer. Amma tu lui dis, Cheikh Fawzan, il a dit, Cheikh l'Islam, il a dit, ou directement, il va te dire, hada, il a emmené un nouveau din, c'est le din de l'Arabie Saoudite, c'est des wahhabites. Là. Dis-lui, قال الله. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit هذا. Et tu lui expliques avec des mots qu'il comprend. Et bien, إذن الله عز وجل يحصل خير. Et le jour où il accepte la vérité, il a akhiré. ثم الحمد لله, il sera avec toi. في نفس الطريق, il profitera avec toi des savants de la sunna. هذا c'est مهم في الدعوة. قال رحمه الله. فقول الرجل. On revient maintenant. لا إله إلا الله إبطال للوسائط. انظروا هذا الكلام المختصر الجميل. N'importe quelle personne qui dit la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ibtal al-wasa'id. Ça veut dire qu'il rejette tous les intermédiaires. Pourquoi? Ce qu'ils appellent intermédiaires, c'est des adorations. Donc, on doit adorer que Allah, azza wa jalla. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, ma don, na'am, on n'a pas fini. Là, je me suis précipité. On a ajouté un verset. On n'a pas fini la parole de Cheikh al-Fawzan. On revient à la parole de Cheikh al-Fawzan. Qala, aja'ala al-alihata ilahan wahida ila qawlihi. إن أنمشوا واصبروا على آلهتكم سموها آلهة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ça nous montre à l'époque de Nuh alayhi salam. Les gens, ils n'avaient pas accepté da'wa tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas délaisser l'adoration d'hommes pieux. Wad wa suwa ila akhiri. C'était des hommes pieux qui étaient à l'époque de Nuh, après Nuh. Et ils ont été adorés min dounillah. قال الأولون سموهم آلهة والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموهم أو سموهم وسائط وشفعاء فقط ولم يسموهم آلهة والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالألفاظ والمصطلحات. صحيح. Que هؤلاء ils appellent leur shirk, le fait d'adorer autre qu'Allah, qu'ils l'appellent intermédiaire. Ou ils l'appellent آلهة, divinité. Ou il l'appelle wasa'it, ou il l'appelle shafa'a, c'est la même chose. Adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. Cheikh, ou l'imam al-Sam'ani, rahmatullah alayhi, il a un kitab nafiz, jiddan. في هذا الباب. يغسمل كشف الشبهات. Un kitab qui s'appelle Tathir al-I'tiqad. On avait déjà fait à l'époque, on essaiera de le refaire avec nos frères, Inch'Allah Ta'ala, c'est un kitab moufid fi at-tawhid. Il a cité cette mas'ala, thumma il a donné un exemple. Il a dit, l'alcool c'est haram. Al-khamru haram, c'est haram. Que wahed il l'appelle eau, ou alcool, ou jus d'orange, ou ce qu'il veut, ça reste haram. C'est un exemple pour te montrer qu'au Cheikh al-Fawzan, laissez l'ibra bil alfad wal mustalahat. Al-ibra c'est bil haqa'iq. L'alcool c'est haram, c'est haram. Pourquoi c'est haram l'alcool? Parce que ça rend ivre, ça peut pousser à du mal, etc. Fawahed maintenant il change la bouteille. Il met de l'alcool dans une bouteille d'eau et il nous dit c'est de l'eau. On lui dit c'est haram. C'est haram parce que c'est de l'alcool. Tu peux changer l'emballage, changer le nom. Pourquoi c'est haram? Parce que c'est adorer une créature qui ne mérite pas l'adoration. Même si cette adoration, elle a une autre appellation. Qala, rahimahullah, on revient à la parole de Cheikh al-Islam. Faqawlu rajul la ilaha illallah, ibtalu lil wasa'it. Qala, Cheikh al-Fawzan, la ilaha illallah, tubtilu. كلما يعبد من دون الله سواء سمي واسطة أو شفيعا أو سمي آلهة فلا إله إلا الله تبطل كلما يعبد من دون الله بأي اسم سمي. هذا هو السنس de لا إله إلا الله. Comme كفار قريش, ils ont compris quand Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a ordonné de dire لا إله إلا الله, ils ont compris qu'ils devaient délaisser l'adoration des idoles. هكذا, celui qui dit لا إله إلا الله, il doit délaisser l'adoration d'autre qu'Allah et il doit adorer Allah seul, لا إله إلا الله. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام دون المتن. وإذا أردت أن تعرف هذه المعرفة التامة فذلك بأمرين. Il a cité deux points importants pour t'aider à comprendre هذه المسألة أي la différence entre توحيد الربوبية توحيد الألوهية, pour comprendre معنى لا إله إلا الله, pour comprendre pourquoi ce que certains y font c'est du shirk même si ils disent لا إله إلا الله. Ces deux points on les a vus ensemble dans Al-Qawaid Al-Arba. Il les a cités dans Al-Qawaid Al-Arba et il les a résumés huna rahimahullah. Le premier point, c'est la première qaïda. Et le deuxième point, c'est la troisième qaïda. Et ceux qui ont étudié Al-Qawaid Al-Arba, ils vont directement faire le lien. Qala al-awwal, le premier point, an ta'rif anna al-kuffar الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم واباح اموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده. Le premier point, أن هؤلاء, que le prophète صلى الله عليه وسلم il a combattu, أي كفار قريش, هؤلاء ils reconnaissaient أن الله عز وجل c'est lui le créateur, ils reconnaissaient الربوبية. Ils reconnaissaient que c'est Allah qui donne, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, qui donne la mort, etc. Malgré cela, c'était des kuffars. C'est un point important. قال كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال وهذه مسألة عظيمة جليلة. تأمل أنهم ils ont reconnu tous ces points. أن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. الله سبحانه وتعالى قال فقل أفلا تتقون. العلماء قالوا أن malgré la reconnaissance de الربوبية ils n'ont pas craint Allah. Pourquoi? لأن la crainte d'Allah سبحانه وتعالى c'est se soumettre, c'est l'adorer seul, c'est توحيد الألوهية. قال وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به. Si tu as compris هذا, donc est-ce que c'est suffisant de reconnaître Allah comme créateur? Ce n'est pas suffisant. C'est important et c'est essentiel, لكن ça suffit pas. لماذا؟ لأن si ça aurait suffi, ça aurait été suffisant pour كفار قريش. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il ne les aurait jamais combattus. قال ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. Rajoute avec cela أنهم reconnaissaient que Allah c'est le créateur, que Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui donne, etc. Et مع هذا كذلك ils faisaient certaines adorations comme certaines sadaqat, comme الحج, comme Al-Umra, etc. مثلا, ils réservaient leur argent halal, ils savaient, ils faisaient la différence entre l'argent halal et l'argent haram. Et quand ils ont construit, ils ont reconstruit ou agrandi la Kaaba, ils ont utilisé que l'argent halal. Kuffar Quraysh, ils n'ont pas utilisé l'argent haram. Ils savaient que c'était Baytullah. Malgré tout cela, ce n'est pas des croyants. Donc la question qu'on se pose, pourquoi? Pourquoi ce n'était pas des croyants? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, hadhihi mas'alatun 'azima wa muhimma jiddan. On répète deux références pour détailler cette mas'ala. La première, Al-Qa'id Al-Arba, c'est assez résumé, sauf avec les shourouh, sauf avec les explications. La deuxième référence, Kashf Al-Shubuhat. Les deux de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. قال الشيخ الفوزان وهي مسألة عظيمة ومهمة جدا قال وقل من يعتني بها لأن هؤلاء يقولون من أقر بتوحيد الربوبية صار مسلما. Donc c'est un point très très important. بعض الناس ils pensent que celui qui dit, qui reconnaît, qui croit que Allah c'est le créateur, c'est un musulman. Là ça suffit pas هذا. Ça suffit pas. Pourquoi? قال وكان المشركون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية وعندهم عبادات كالصدقة والحج فهم يحجون ويعتمرون ويقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يحيي ولا يميت إلا الله. Donc, ils faisaient certaines adorations. Ils avaient cette reconnaissance. قال ويعترفون بتوحيد الربوبية. Ils reconnaissaient que Allah c'était le créateur. ويتعبدون ببعض العبادات ولكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وحده بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره صاروا مشركين. Lakin c'est quoi la différence entre le croyant, le mouahid et Ha'oula? C'est que Ha'oula, ils adoraient Allah et ils adoraient autre. Maintenant, ils adoraient Allah dans certains cas et ils adoraient leurs idoles. Et ils adoraient leurs idoles, pour eux, c'était des intermédiaires qui les rapprochaient d'Allah. Amma le croyant, il adore Allah seul. C'est ça la différence. C'est Tawhid al-Ibad. On revient au verset précédent qu'on a cité, l'un, on comprend mieux pourquoi Ha'oula, ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Les malades, les anahoum, ils ont compris que dire la ilaha illallah, ils devaient délaisser al-shirk fi tawhid al-uluhiyya. Ça nous montre que ma'na la ilaha illallah, c'est tawhid al-ibada. Adorer Allah azza wa jal seul. Et bien sûr, reconnaître que Allah c'est le créateur. Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Qala bal ya'budun Allah wa ya'budun ma'ahu ghayrah, saru mushrikin. Qala al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, walakin al-amr al-thani. Deuxième point. On résume le premier point, donc reconnaître la ilaha il reconnaître aqsad que Allah c'est le créateur, ça ne suffit pas. Limada li anna kuffar quraish ils ont reconnu hada et Allah subhanahu wa ta'ala قال فقل افلا تتقون اي افلا تتقون اي pourquoi vous n'adorez pas Allah seul. Ça nous montre le lien entre tawhid ar-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. قالوا لكن الامر الثاني هو الذي كفرهم واحل دماءهم واموالهم وهو انهم لم يشهدوا لله بالتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. نعم. Quand j'ai dit en le premier et le deuxième point, c'était en référence à la première et la troisième qaida, bel dans le premier point, il y a la première et la troisième qaida de qawl arba. Amma al-amr al-thani c'est le résultat. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم. قال كفرهم واحل دماءهم واموالهم وهو انهم لم يشهدوا لله بتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. قال شيخ الفوزان لان هذا هو المطلوب وهو توحيد الالوهيه اي افراد الله بالعباده وليس المطلوب افراد الله بتوحيد الربوبيه فقط لا بد من الامرين. لي دو توحيد ensemble. هؤلاء ils sont sortis de l'islam. Pourquoi? Ben, ils ne sont jamais rentrés vers l'islam, plutôt. Ils sont jamais devenus des croyants. Pourquoi? Les annahum, même leur reconnaissance en rububiyya n'est pas suffisante. Les ma'adha, les annahum, celui qui reconnaît que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. C'est lui qui guide, c'est lui qui donne. Il doit forcément l'adorer. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ فَقُلْ أَفَلَ تَتَّقُونَ. Amma, une simple reconnaissance de tawhid de rububiyya, ce n'est pas suffisant. On répète, Iblis, Al-La'in, I. Savait et il sait que c'est Allah le créateur. Il a reconnu هذا خلقتني من نار. Quand Allah lui a ordonné de se prosterner pour Adam, est-ce que Iblis il a dit c'est lui le créateur? Il a prétendu être le créateur? Abadan. L'orgueil. Et parmi ses arguments, il a dit ya Allah خلقتني, tu m'as créé de feu. Il a reconnu Allah comme créateur. Et il a reconnu que Allah c'est le créateur de Adam. خلقته من طين. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Donc c'était pas un problème fi tawhid al-rububiyya. Bel, il n'a pas voulu se prosterner, mettre en application توحيد الألوهية. وهكذا كفار قريش. Ils ont reconnu le Rububiyya, malgré que certains d'entre eux, ils ont eu des manquements dans توحيد الربوبية, لكن بالجملة ils l'ont reconnu, لكن ça a été d'aucune utilité. Fallait à bout de les deux, reconnaître Allah que c'est le créateur, et ça doit impliquer qu'on l'adore seul. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لابد من الأمرين لابد من توحيد الربوبية وهو مستلزم لتوحيد الألوهية ولابد من توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الربوبية لا ينفك بعضهم عن بعض c'est ça le lien entre les deux توحيد on répète توحيد الربوبية c'est reconnaître que Allah c'est le seul créateur c'est lui qui gère tout c'est lui qui donne la vie c'est lui qui donne la mort بعض العلماء يقولون توحيد الله في أفعاله tunifie Allah سبحانه وتعالى dans ses affaires Allah سبحانه وتعالى il fait des choses Et tout ce qu'il fait, c'est parfait, tu l'unifies dans ces choses. Maintenant, il donne la vie, il donne la mort, il guide, il crée. C'est lui qui donne le risque. Tu unifies Allah fi hada. Ça s'appelle tawhid al-rububiyya. Ça vient du mot Rab. Hada tawhid, il va impliquer ma'ada. Si tu reconnais Allah comme Rab, tu dois l'adorer. Qala azza wa jal, ya ayyuhal ladhina, ya ayyuhal nasu ubudu rabbakum. Huna, tu as les deux tawhid. Ya ayyuhal nasu ubudu, adorez qui rabbakum. الرب ستوحيد الربوبية si tu reconnais tu dois adorer ça va ensemble كذلك celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala forcément il a reconnu Allah comme Rab لأن s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala c'est que Allah c'est الرب il reconnaît توحيد الألوهية donc ça va ensemble أما ceux qui reconnaissent فقط توحيد الربوبية ثم ils donnent des associés à Allah cette reconnaissance du توحيد en aucun cas c'est profitable أبدا ça aurait été profitable Ça aurait été profitable pour Kuffar Quraysh. قال وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. C'est ça, التوحيد qui fait rentrer في الإسلام. Invoquer qu'Allah, adorer qu'Allah, et toutes les adorations c'est que pour Allah. قال الشيخ الفوزان أي توحيد الألوهية يتضمن جميع العبادات. فلا يصرف لغير الله عز وجل منها شيء لأنه هو المستحق لها. فمن صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك ولو كان يقول لا إله إلا الله. C'est ça la base de notre dîn, adorer Allah seul. On dit la ilaha illallah, ay, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Al-ibada, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, min al-aqwal wa al-a'mal al-zahira wa al-batina. Kama qala al-imam al-taymiyyah rahimahullah. C'est un nom qui englobe tout ce que Allah il aime, que ce soit parole, acte, que ce soit apparent ou caché. Donc, tout ce que Allah il aime, les adorations, tu peux les faire que pour Allah. Que ce soit une salat, que ce soit un dua, que ce soit un sacrifice. Que ça soit nadr, un vœu, que ça soit une salade, que ça soit un jeûne, que ça soit un tawaf, tout ça c'est réservé qu'à Allah. Celui qui donne une adoration à autre qu'Allah, même s'il reconnaît Allah comme créateur, même s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala dans tout le reste, on qadr wahid, il fait la salade pour Allah, il fait le hajj pour Allah, il jeûne pour Allah, lakin il invoque autre qu'Allah. Tout ce qu'il fait c'est annulé. Sa reconnaissance que Allah c'est le créateur et toutes ses adorations. لماذا لأن الله جل وعلا قال ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن في الآخرة من الخاسرين. Celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il annule toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres, elles deviennent vaines. Donc c'est ça l'asle de notre dîn. On doit faire des efforts pour comprendre le tawhid et s'écarter du shirk. La question qu'on se pose C'est quoi shirk? Il y a beaucoup de choses qui annulent complètement l'islam. Tu apprendras ces choses fin avoir qu'est l'islam, les annulatifs de l'islam. Tu apprendras ces choses fi kitab tawhid. Cheikh l'islam, il a cité des chapitres et des choses. Matalan, les talismans. Matalan, sacrifier pour autre qu'Allah. La sorcellerie, les vœux. Et il cite beaucoup de choses. Les vœux pour autre qu'Allah. Sacrifier pour autre qu'Allah. Et il montre que c'est du shirk. C'est sur ça que tu dois faire des efforts, Akhil Karim. C'est sur ça qu'on doit tous se concentrer. C'est ça, da'watu jami' al-anbiya. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kuffar Quraysh, il les a appelés à cela en premier lieu. Qulu la ilaha illallah. Et ils ont refusé. On sait pourquoi ils ont refusé. Les madal et anahum, ils n'ont pas voulu délaisser leurs idoles. Amma wahid qui ne veut pas délaisser l'adoration de Sidi Fulan ila akhari, ne va pas loin ma'a. Sans de lui parler de salat, de telle chose c'est haram, de ne fume pas, ne bois pas. C'est d'aucune utilité. Tout cela s'il n'adore pas Allah seul. Enfin, commence par la chose que tous les prophètes, alayhim salatu salam, ils ont commencé. Tawhidullah. Ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. هكذا الله سبحانه وتعالى في القرآن سوما يسيت لا بارول دو دي بروفيت دو سي بروفيت دو سي ميساجي يا قومي اي او مون بوبل ادوري الله vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. Enfin, certains ils adoraient le soleil, d'autres ils adoraient des morts, d'autres ils adoraient des statues, d'autres ils adoraient des arbres. Enfin, notre da'wah doit être fondée sur هذا. ثم قال ورحمه الله ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينظر لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. Dernier point très très important, قال الشيخ الفوزان أي من فعل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله. اتأملوا قوله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. Il y en a beaucoup de gens, ils ont une autre choubha, ils disent, on n'adore pas des statues. On dit la ilaha illallah, et nous on n'adore pas des statues. Ils pensent que ce qui fait sortir de l'islam, c'est adorer les statues. Là, adorer les statues, bien sûr, ça fait sortir de l'islam. Lakin, ce qui fait sortir de l'islam, c'est adorer autre qu'Allah. Que ce soit une statue, que ce soit un arbre, que ce soit le soleil, que ce soit un prophète, un messager. Et que d'ailleurs, c'est une règle que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité fil qawa'id al-arba'. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى كيف يقول لا إله إلا الله ويذبح لغيره كيف يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغيره من الأموات والغائبين والجن والشياطين. Ça c'est une contradiction flagrante. Dire la ilaha illallah ثم sacrifier pour autre qu'Allah. Enfin, tu viens de dire j'adore que Allah. Enfin, pourquoi donner une adoration autre qu'Allah? C'est une contradiction. On a déjà dit, c'est comme si quelqu'un dit je vais faire une chose, ثم il la fait pas, ça sert à rien de dire. لأن الكلام il est مفيد s'il est accompagné de عمل. فهؤلاء ils disent لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله. Alors que le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله. Qu'Allah maudisse ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. Hadith Ali رضي الله عنه. Et il est صحيح مسلم فيما أذكر. Le prophète صلى الله عليه وسلم il les a maudis. Et Haoula, ils disent là, c'est pour tel wali nous rapproche d'Allah. Là, c'est une cause de malédiction. Allah subhanahu wa ta'ala قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné هذا. Notre salat, قل إن صلاتي ونسكي. النسك c'est الذبح, sacrifice. لله لا شريك له, c'est que pour Allah. فلماذا دنيا أترك الله avec ces ambiguïtés qui ne profitent en rien. قال كيف يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله من الأموات والغائبين والجن والشياطين. Et la question qu'on peut poser نحن à هؤلاء, ils disent que là on sait que c'est Allah le créateur, on sait que ce wali c'est un être humain. La question qu'on leur pose, pourquoi ils ne demandent pas à Allah عز وجل, c'est quoi qui empêche? On leur dit de laisser les doutes demander à Allah subhanahu wa ta'ala, faites tawba, de laisser cette mécréance. Tu les trouves à là, ils ne veulent pas demander à Allah et ils persistent à demander à une créature faible. Ça montre quoi? Ça montre à Nahum, ils ne sont pas convaincus. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Allah il les a appelés kuffars dans le Coran. تأمل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر. Celui qui invoque avec Allah une autre divinité, quelle qu'elle soit, n'importe quelle créature, la yajouz, celui qui l'adore, il l'a pris comme divinité. قال فإنما حسابه عند ربه. Il rendra des comptes عند الله. ثم الله سبحانه وتعالى il a cité le hukm. إنه لا يفلح الكافرون. C'est pour ça qu'on a conseillé de faire da'wa aux gens avec ces versets. Les nahoum, ils vont dire là, vous dites que les muslimines c'est des kuffars. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, hakaman, celui qui invoque autre que lui, c'est un kafir. Si tu veux t'écarter de هذا الوصف, écarte-toi de هذا الشرك. هذا c'est مهم جدا. قال شيخ الفوزان كيف يقال أو كيف يقول لا إله إلا الله وينظر لغير الله هذا تناقض. Ils disent لا إله إلا الله ثم ils font des vœux pour autre qu'Allah عز وجل. On peut citer un autre verset في هذا قوله عز وجل يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Réfléchir quelques instants. Comment demander à un mort, à un ce qu'ils appellent wali, alors que Allah Azza wa Jalla yaqul ayushrikun ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. Ça nous montre quoi hada? Ça nous montre que l'adoration elle est réservée à qui? Qu'au créateur Azza wa Jalla. Ils sont d'accord avec nous que le créateur c'est Allah, Donc, normalement, ils doivent être d'accord avec nous, adorer Allah seul. Lakin, iyadan billah, les ambiguïtés et les passions. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Ils donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala à des choses qui ne créent pas. Mais ces choses, elles-mêmes, elles sont créées. Et il n'y a aucun doute, on a les statues, Sidi Foulan, c'est des créatures. Ça, c'est une règle de base dans le Tawhid. L'adoration, c'est que pour le créateur. Enfin, celui qui adore autre que le créateur, il a donné un associé à qui ? Au créateur. Azza wa Jal. Naam, hada. Alhamdulillah. Risala très très profitable. Révisez-la. Résumez-la, les points importants. Essayez de donner de l'importance au verset du Coran al-Karim. Propagez-la autour de vous. Montrez à vos proches. Fafiha khairun azim. C'est la voix de tous les prophètes. C'est la base de notre dîn. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihada. Et le prochain cours, bi'idnillah azza wa jal. On est dimanche, donc mardi à la même heure, 18h45, heure française. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.